hey, hey. Elles sont fans de moi, et moi je suis fan de toi, et y'a que ça qui compte, tu peux compter sur moi, et quand je t'ai engagé, je les ai dégagés, et comme tu m'as choisi, je t'ai mis côté passager, et on est dans le bolide, et normal qui critique, et nous deux c'est solide, t'es pas là pour mon liquide. Ils vont jacter, faut se préparer, font tout ça pour nous retarder. T'es ma vie, j'aime pas trop parler, faudra me tuer pour nous séparer. Si demain on veut dérailler, nos parents vont nous recadrer. Si ça colle plus, si t'es plus carré, les pots cassés, faudra réparer. Je vais le dire en quelle langue, c'est toi ma wife, c'est toi ma life. C'est toi mon diams, c'est toi mon bijou. T'es tellement douce, c'est toi ma go, c'est toi ma mousseau. Nous, on sait ce qu'on fait, eux, ils voient que ce qu'on montre. Nous, on y va mollo, eux, c'est course contre la montre. Nous, on est en mala, eux, ils voient notre mala. Nous, on va pas cala, eux, ils aiment les palabres. On est dans le bolide, et normal qui critique, et nous deux c'est solide, t'es pas là pour mon liquide. Ils vont jacter, faut se préparer, font tout ça pour nous retarder. T'es ma vie, j'aime pas trop parler, faudra me tuer pour nous séparer. Si demain on veut dérailler, nos parents vont nous recadrer. Si ça colle plus, si t'es plus carré, les pots cassés, faudra réparer. Je vais dire en quelle langue, c'est toi ma wife. C'est toi ma life, c'est toi mon diams, c'est toi mon bijou. T'es tellement douce, c'est toi ma go, c'est toi ma mousseau.